Suite de notre série sur les rebelles dans la fabrique de l'histoire, après avoir écouté hier les Provos d'Amsterdam dans le documentaire d'Anaïs Quin et d'Anne Fleury, nous allons ce matin entendre la voix d'un activiste urbain qui s'en sentait proche de ces Provos, le faux clochard Mouna Aghighi, qui occupa les places publiques de Paris dans les années 60 à 90. Quand ils rentrent chez eux, des bourgeois français, ils mettent des patins. Mais à leur intérieur, le moins intérieur, dans leur conscience, est-ce qu'ils mettent des patins pour entrer? Ah si, quand ils vont accompagner un être cher à la mort, à l'enterrement, là ils pensent au peu de choses qu'ils sont. Et là ils réalisent qu'ils ne sont rien. Les patins des bourgeois français racontés par Mouna Aghighi, drôle de figure, de non-candidat à la présidentielle, moustachu couvert d'un béret au slogan fort et marquant comme « Mieux vaut être actif aujourd'hui que radioactif demain » ou encore « On vit peu mais on meurt longtemps ». Tout ça va nous permettre ce matin de réfléchir à la question de l'espace public et de la parole qui s'y profère, que ce soit au Moyen-Âge ou encore au XXe siècle avec Anaïs Quin qui a préparé cette semaine avec nous, avec Nicolas Offenstadt qui est maître de conférence à Paris 1, spécialiste justement de cet espace public au Moyen-Âge et auteur de En place publique, Jean de Gascogne, crieur au XVe siècle, le siège Stock. Et Ludivine Bantigny est également avec nous. Elle est maître de conférence à l'Université de Rouen. Elle est spécialiste des politisations des années 60 à 80. Elle est auteur de La France à l'heure du monde, au seuil. Bonjour Anaïs Quin, bonjour à vous Ludivine Bantigny, bonjour. Et bonjour à vous Nicolas Offenstadt. Bonjour. Alors Anaïs, dans cette semaine sur les rebelles, on a bien insisté sur le fait que rebelles et révolutionnaires, ça n'était pas forcément la même chose, que ces Provos d'Amsterdam dont vous parliez hier, eh bien effectivement, ils n'étaient pas montés aux barricades d'une certaine façon, mais ils avaient parlé dans l'espace public de façon un peu particulière, et c'est chez ces Provos d'Amsterdam que vous avez retrouvé l'enregistrement qu'on va entendre aujourd'hui. Oui, l'émission d'aujourd'hui est un petit peu sur le mode « pendant ce temps-là ». Pendant que les Provos militent pour cette réforme radicale de la société, réforme par évolution, en France, il y a Mouna Aghighi. Mouna Aghighi que les Provos néerlandais suivent d'ailleurs avec beaucoup d'intérêt, puisque cette archive m'a été confiée par Daniel Bourgois et Bart van Erikhuizen, que vous avez pu entendre dans le documentaire d'hier, qui ont enregistré ensemble donc une jeune parisienne et un jeune Amstelodamois qui, en 67, ont enregistré Mouna Aghighi pour qu'il leur explique son parcours politique. Alors, pour ceux qui n'auraient pas souvenir de cette parole proférée dans l'espace public, écoutons un extrait d'un film qui a été réalisé par Bernard Bessa de, justement, Mouna Aghighi, non pas en entretien avec ces deux Provos amsterdamois des années 60, mais en l'occurrence tel qu'il se présentait dans les années 80 sur les places publiques de Paris. Le journal qui réveille! Alors, depuis 1963, je publie. J'en suis président, directeur général, responsable, cycliste et vendeur. Le papier est léger, le style est lourd. Le Mouna ne subit aucun genre de pression, sinon la pression atmosphérique. Et où Mouna passe, le mythe trépasse. Alors, qu'est-ce qu'il y a dedans? Qu'est-ce qu'il y a dedans? Rien sur le tiercé. Rien sur le quarté. Rien sur le tac au tac, t'es toqué, y a rien à gratter. Rien sur l'horoscope. Rien sur Sheila. Rien sur Sylvie Vatan. Rien sur le petit bébé de la Didi. Il s'appelle Harry. Il faisait 3,1 kg à sa naissance. Il est beau. Alors, ça va mieux là, les banquiers là, les spéculateurs, les arnaqueurs. Voilà donc la parole de Mouna, telle qu'elle était dite dans le Paris des années 80. Le papier est léger, le style est lourd, ou encore le journal de Mouna ne subit aucune pression, sinon la pression atmosphérique. Ludivine Bantigny, on peut classer Mouna dans quel espace politique de ces années 60 à 80, voire 90, vous qui travaillez sur les politisations dans ces années-là? Oh bah de toute évidence, c'est un rebelle dans la mesure où il va interroger le sens de la vie, le sens de l'existence. C'est un rebelle libertaire, anarchiste, un des premiers écologistes de la seconde moitié du XXe siècle, au fond, hein, qu'il met en pratique. Ce qui est formidable dans le cas de Mouna Hagigi, c'est qu'il ajuste son comportement à ses convictions, à des convictions qui lui sont venues vraiment peu à peu, hein, surtout dans les années 50. La prise de conscience des ravages justement faits par l'industrialisation à outrance, la distance qu'il a prise à l'égard du Parti communiste, parce qu'il a été adhérent au Parti communiste après la libération pendant quelques années, et il a eu un peu de mal avec la bureaucratie qui s'y imposait. Et donc, c'est vraiment un libertaire contestataire, révolutionnaire dans la mesure où, même s'il prône une vélorution plutôt qu'une révolution, avec son vélo un peu déglingué et ses carrioles, et voilà, mais c'est un révolutionnaire dans la mesure où, justement, il interroge profondément le sens, encore une fois, d'un système dans son ensemble. Alors, Nicolas Feinstadt, vous êtes, je l'ai dit, spécialiste de l'espace public. Vous avez travaillé en particulier sur les travaux d'Habermas avec d'autres dans un gros livre sur la question de l'espace public. Et vous avez travaillé en place publique sur un crieur du 15e siècle dans la ville de Laon. On avait fait un documentaire avec vous sur ce thème-là, Jean de Gascogne. Il faut bien dire que cet espace public de la fin du Moyen-Âge et l'espace public tel que l'occupe Mouna Hagigi n'a pas grand-chose à voir. En tout cas, le rôle de crieur n'a pas grand-chose à voir. Il crie, certes, mais ça n'est pas la même chose. Oui, ça n'a pas grand-chose à voir. La seule chose peut-être qui justifie qu'on parle de Moyen-Âge dans une émission sur Mouna, c'est quand même cette idée d'une parole publique avec une certaine liberté et en place publique. Hein, puisqu'évidemment, ce qui est très important chez Mouna, je pense, c'est aussi l'aspect déambulation, évidemment, d'être présent dans l'espace public et pas tant ce qu'il raconte toujours que sa présence même et sa parole publique. Et ça, si vous voulez, ça permet quand même de rappeler que la place publique médiévale, il y a des débats là-dessus. Est-ce que finalement c'est un lieu d'ordre ou un lieu de désordre? Et d'ailleurs, ça pourrait se poser pour Mouna. Fait exactement hein, en développant une parole publique finalement qui est souvent assez calme, parfois un peu moins. C'est la question de l'ordre et du désordre en place publique qui se joue. Et là, c'est une vraie question aujourd'hui. Qu'est-ce que c'est que d'être séditieux sur la place publique, hein? Dans quelle mesure Mouna a été séditieux, surtout à la fin? Tout ça, c'est des questions qui se posaient au Moyen-Âge. Parce que contrairement à l'image qu'on a hein, d'un Moyen-Âge champ politique où les choses se font dans les cours royales, sur la place publique, il se joue beaucoup de choses. Et c'est là où c'est intéressant de faire des parallèles entre les époques. C'est le caractère politique. Hein, et le caractère séditieux de la place publique. Et ça, on le trouve au Moyen-Âge. Et pourtant, le crieur, il n'est pas là pour annoncer la sédition. Il est là, au contraire, pour annoncer la parole du prince, la parole du roi, la parole du duc ou du baron. Tout à fait. C'est tout l'intérêt et l'ambiguïté de la place publique médiévale. C'est que c'est le lieu où se déploie l'ordre. L'ordre royal, l'ordre seigneurial, l'ordre ecclésial. Et le crieur public, qui est toujours employé par des autorités, est là pour déployer cette parole, comme vous venez de le dire. Donc pour expliquer quelles sont les décisions du prince, du seigneur, de l'évêque, etc. Et donc, il y a effectivement cette parole instituée, ce qui font, on peut dire d'une certaine manière, donc la place publique, c'est le lieu de l'ordre qui se déploie au Moyen-Âge. Et pourtant, mais attention, voilà, c'est qu'il y a un revers, c'est qu'en réalité, cette parole, elle est beaucoup plus fragile qu'on imagine, et c'est là où ça rejoint nos débats, hein, c'est que le crieur peut être contesté. Il peut être contesté par ceux qui l'écoutent, il peut être contesté par des mouvements populaires beaucoup plus profonds. Et donc, la place publique peut se transformer très vite hein, en lieu de sédition. Et d'ailleurs, ce qui est fascinant, c'est qu'un des premiers éléments qui est important quand il y a une révolte médiévale, hein, c'est que les rebelles se saisissent de l'espace sonore. Ils ne se saisissent pas seulement hein, des lieux d'importance, hein, ils ne vont pas seulement essayer d'occuper le pouvoir symbolique, mais ils essayent d'avoir les cloches, parce que les cloches sont très importantes dans la sonorité médiévale, et ils se mettent à crier, et ils inversent les cris du pouvoir. Les putschistes, au XXe siècle, occupent les radios. Absolument, et ben, c'est exactement ça, il faut occuper les clochers, et il faut être capable de crier contre le crieur public ou contre l'ordre du roi ou du prince. Donc vous voyez, la parole, c'est un vrai enjeu politique au Moyen-Âge sur la place publique. Alors, premier élément de cet enregistrement qui dure environ une quarantaine de minutes, c'est ça, avec Mouna Hagigi, donc enregistré dans en 1967. Dans un café du quartier latin en 67. Voilà, en 1967, avant 68. Premier élément, il évoque comment, eh bien, après, dans les années 50, au tout début de la guerre d'Algérie, il va occuper une place publique. Quelquefois, je peux parler 10 minutes, un quart d'heure, sans être inquiété. Maintenant, à Saint-Michel, on connaît, les policiers, les inspecteurs me font circuler. Avant, on m'emmenait au poste, on me gardait quelques heures. C'est pas d'aujourd'hui, j'ai commencé quand j'étais restaurateur rue du Bois. Hein. Je parlais souvent une dizaine de soirs de suite. Puis alors un jour, quand même, les policiers à l'époque ne me connaissaient pas, puis je faisais vraiment des attroupements assez très importants. Et une fois, j'avais été protesté devant l'Assemblée nationale, c'était en 1955, le jour de la rentrée des parlementaires, c'était au début de la guerre d'Algérie, oui. Bon, ça fait 12 ans, et là, j'avais écrit devant la Chambre des députés, arrêtez le massacre des innocents. Ils m'ont arrêté, j'ai eu juste le temps d'écrire, ils m'ont emmené au commissariat, et de là, ils m'ont emmené au dépôt, mais à l'infirmerie psychiatrique. Et là, le psychiatre m'a relâché au bout de 48 heures. Il m'a dit qu'on me connaissait parce que je faisais des pitreries, je montais sur le monument, je disais des poèmes, je parlais déjà un peu comme ça. Mais que là, c'était grave parce que je faisais la politique. Demander l'arrêt, qu'on arrête le massacre des innocents. D'ailleurs, il est bien fallu qu'il s'est bien arrêté. Oui. Au bout de 7 ans, et qu'on met de larmes de sang. Enfin, finalement, on m'a relâché, on m'a dit, si on vous ramène de nouveau devant moi, je serai obligé de vous interner 2 ou 3 ans à Sainte-Anne. Sainte-Anne, c'est l'asile psychiatrique. Voilà donc Mouna expliquant en 1967 ses premiers déboires avec les autorités, Ludivine Montigny. Quelle est la différence entre la parole politique et la parole poétique, pourrait-on dire, proférée dans cet espace public? On peut dire des choses, y compris dans la deuxième moitié du XXe siècle, on peut dire des choses, mais il y a d'autres choses qui sont plus compliquées à dire, en particulier en période de guerre. Oui, alors là, je pense que dans le cas de Mouna, il y a vraiment une poésie du politique, justement. Et les deux sont intimement liés. Et c'est ce qui fait aussi sa profonde cohérence. Et sa force de subversion. Une poésie de la vie, oui. Nicolas parlait de sédition. En même temps, il y a une souffrance. Et elle s'exprime ici. C'est-à-dire la souffrance de passer pour fou. Et ça a été une des hantises de sa vie, hein, c'est le côté sombre. Et c'est très intéressant de manière plus générale sur la rébellion, c'est-à-dire qu'on peut se référer à James Scott, hein, sur la domination et les arts de la résistance à cette domination. C'est-à-dire le discours hégémonique face à la rébellion dit que ces gens sont soit des bandits, soit des criminels, soit des fous, qui se comportent de manière inconsidérée, et qu'il faut les canaliser, bien évidemment. Et donc là, on a aussi ce souci de s'exprimer malgré les assignations à la folie ou à la déviance. Nicolas Offenstadt. Évidemment, là on voit le risque de ce glissement entre parole politique et parole poétique, c'est le rôle du bouffon, hein, que Mouna pouvait aussi endosser. Évidemment, c'est aussi un rôle très médiéval. Le bouffon qui rappelle au pouvoir finalement ce qu'il est profondément, mais qui est en même temps une institution, hein, du pouvoir. Il y a un épisode qui est très amusant, par exemple, après une paix médiévale qui était une de ces nombreuses paix qui n'aboutissaient pas, il y a un bouffon de cour qui prend une paix d'église, qui la fourre, hein, avec de la fourrure, et qui dit voilà une paix fourrée, et il circule au grand galop en se moquant de la paix qui va être faite. Ça n'a rien changé. Tout le monde a rigolé en disant effectivement ce bouffon a raison, c'est une mauvaise paix, mais évidemment la paix est scellée. Donc d'une certaine manière, le bouffon n'est pas forcément séditieux, il est là dans son rôle institutionnel. C'est pour ça que l'ambiguïté entre parole politique et parole poétique, elle n'est pas simple. On ne peut pas dire finalement que la parole poétique, parce qu'elle est critique ou séditieuse, entraîne forcément une critique politique. Donc il y a un risque. Je dis que le rôle du bouffon, c'est quand même un rôle aussi qui est un rôle d'ordre. Et de désamorçage, en l'occurrence, Anaïs Quin. Oui, et puis dans l'extrait qu'on vient d'entendre, Nicolas Offenstadt, visiblement, la police fait une distinction très claire entre le discours habituel de Mouna, qui est interprété comme une parole politique, et le moment où il se met à parler de la guerre d'Algérie, de ce qui se passe en Algérie, devant l'Assemblée nationale, ce qui n'est pas un lieu anodin non plus. Oui, et dans le cas de Mouna, quand même, parce que je vous suis, hein, vraiment, Nicolas, dans cette distinction qu'on peut opérer, bien sûr. Mais je ne crois pas que Mouna soit simplement un bouffon, parce que ses convictions politiques, même si elles ne sont pas structurées à la manière d'une organisation politique, elles sont fortes dans la mesure où elles opèrent un effet de révélation. Je crois qu'elles arrachent le masque. Alors justement, le bouffon, il a aussi ce rôle, c'est d'arracher le masque, de divulguer en fait cet ordre. Donc je pense que là, Mouna se distingue véritablement par son souci, par exemple quand il va dans les églises, autres espaces publics ou sur le parvis des églises, et qu'il dit bon, mais alors les patrons là, qui sont dans ces églises et qui vont prier le dimanche matin, ce sont les mêmes qui exploitent leurs ouvriers. Et ça, c'est aussi une parole politique. Et avec vous n'avez pas honte. Priez moins, aimez plus. Priez moins, aimez plus. Voilà. Alors, puisque vous parliez donc de cette conversion tardive, pourrait-on dire, de Mouna Guigui, donc auparavant appelé André Dupont, c'est son surnom. Cette conversion tardive à cette action dans l'espace public, puisque c'est après la Seconde Guerre mondiale qu'il se rend sur ces places publiques pour proférer ses slogans. Eh bien, revenons avec sa parole à lui. En 1967, il explique plus ou moins la naissance de sa vocation. Les Amis de la vie existent depuis 1953. C'était d'abord le club des aguiguistes. Les buts sont les suivants: rompre la monotonie de la vie, sans nuire à autrui, à son prochain, en cultivant la gaieté, la joie, l'optimisme. Et le président d'honneur, c'était le savant Albert Einstein, à qui j'avais écrit, qui m'a répondu en 1954, quelques mois avant sa mort. Alors, ce journal, il y a un organe qui s'appelle le Mouna Frère, et qui est humaniste, poétique, insolite, un peu philosophique, contre les mythes. Comme je dis, il n'y a rien sur le tiercé, c'est anti-robot, c'est contre les robots, le monde moderne qui empêche les gens de penser. C'est d'ailleurs pour ça que nous avons pensé, nous les Amis de la Vie, organiser, commémorer hier aux Tuileries le 50e anniversaire du mouvement Dada. Car Dada, c'est un peu le père des Provos, le père... Oui, sûrement. Car, comme disait un des dadaïstes, qui s'appelle Philippe Soupault, rira bien qui mourra le dernier. Nous étions 80, et c'était d'ailleurs pas mal. C'est un ronde effectué par des personnes de 25 ans qui jouaient comme des enfants. Je crois qu'on avait retrouvé là, pendant quelques minutes, vraiment la spontanéité de l'enfance. Personnellement, je lutte depuis 15 ans pour essayer d'éveiller mes semblables. Je les appelle mes frères, parce que qu'on le veuille, nous, on est tous frères sur la Terre. Oui. Mais il faut les faire penser, les faire réfléchir, les faire prendre conscience. Mais comment ils sont pris par un engrenage? Ils n'ont pas le temps de penser, puisque... ils vivent comme des machines. Ils se lèvent le matin, et ils se dépêchent d'aller au travail, ils prennent la voiture ou ils prennent le train. Ici à Paris, des gens habitent en banlieue. Ils ont une heure et demie de trajet pour venir travailler, une heure et demie pour retourner. Ils arrivent, ils sont fatigués. Ils ne pensent qu'à aller se coucher. Ils regardent la télévision, il n'y a plus de place pour la réflexion. Plus de réflexion, plus de lecture. Mais alors c'est grave aussi. Voilà donc Mouna Guigui en 1967. Vous écoutez La Fabrique de l'Histoire, l'émission d'Emmanuel Laurentin. Aujourd'hui, autour de la question des rebelles, puisque c'est le thème de notre semaine. Et nous traitons donc du cas Mouna Guigui dans les années 60 à 80. Nicolas Offenstadt, c'est difficile à classer un message comme celui-ci, parce que la gaieté, la joie et l'optimisme ne sont pas forcément des messages révolutionnaires dans les années 60 à 80. Le message antimoderniste de la modernisation est un message aussi partagé à droite, voire à l'extrême droite, comme à gauche et à l'extrême gauche. Donc on ne sait pas très bien, c'est peut-être pour ça aussi qu'il y a des difficultés à classer Mouna Guigui dans le spectre politique de ces années-là. Oui, c'est vraiment la prolongation de la discussion qu'on avait à l'instant, votre question, parce que c'est finalement le moment où, comment est-ce qu'on glisse du bouffon à la sédition? C'est ça, je crois, le cœur de notre discussion, c'est-à-dire à quel moment, finalement, une parole qui peut être amusante, parce qu'il y a aussi le risque de délégitimation. Quand la figure est trop connue, qu'on sait que c'est une figure de Saint-Germain, il y a toujours eu ces amuseurs publics, finalement, qui sont à la limite de la politique, mais qui peuvent être aussi, avoir simplement un rôle de créer un espace public sympathique, alternatif, mais finalement, qui perd sa sédition, parce que c'était une figure tellement connue, Mouna, finalement, qui devait plus inquiéter grand monde, surtout vers la fin de sa vie. Et donc, du coup, c'est cette articulation-là entre, pas tellement sa parole uniquement en ce qu'il dit, mais finalement, quel est cet être en place publique? Est-ce que c'est un être qui, par sa présence, effectivement, par certains moments, rassure finalement, parce qu'on se dit, finalement, il est possible de dire n'importe quoi ou des choses sympathiques ou des critiques du système ou du régime en place publique, hein. Et finalement, la figure est dépolitisée, en quelque sorte, à un moment donné, parce que ça devient une figure iconique. Et ça, je crois que c'est quelque chose qui se pose à quel moment une chanson devient séditieuse, hein. Et on a ça aussi, pour parler des évocations du Moyen-Âge, hein. Il y a un moment où on sent que dans l'espace public, il y a un raidissement. Par exemple, Louis XI, à un moment, demande qu'on poursuive et qu'on interdise tous les quolibets et les chansons qui circulent. Donc, il y a des moments, sans doute, de raidissement où la bouffonnerie devient sédition. Mais je pense qu'il y a toujours une forme de tension entre les deux. Oui, Robert Danton en parlait il n'y a pas longtemps à propos de l'affaire des 14 dans la Fabrique de l'Histoire. Ludivine Bantigny. Oui, mais Emmanuel, la question que vous posez, c'est notamment celle du classement. Et peut-être Mouna s'inscrit-il dans une culture qui précisément rejette les classements, ouais, les catégories, les étiquetages, une forme de mise à distance des identités. Alors, ça, il n'empêche que la question reste légitime, évidemment, du classement sur le spectre politique, mais elle est compliquée. Elle est compliquée, mais elle s'arc-boute sur des mises en acte quand même pratiques et politiques. Je pense par exemple à ce qu'a fait Mouna en 1979 au moment des grèves de sidérurgistes, où il emmène certains étudiants qu'il connaît bien du quartier latin et enfin du cœur de Paris soutenir ces sidérurgistes qui luttent pour préserver leur emploi et leurs conditions de travail et d'existence. Et on l'a entendu dans cet extrait, il est quand même dans une dénonciation des condition de l'aliénation. Alors, c'est un discours assez généralisé dans les années 60, bien sûr. Oui, le métro boulot-dodo, la critique du métro boulot-dodo est une critique partagée. Bien sûr, le travail, il est un des premiers quand même à avoir dénoncé le nucléaire, hein, toutes ces questions, j'irai cracher sur vos bombes, etc. Bon, c'est évidemment un antimilitariste. Mais encore une fois, bien sûr, ça n'est pas que du discours. Il y a un clivage, une sorte de il faut opérer un départ entre, d'une part, le Mouna tel qu'il s'exprime et qui est vraiment dans un imaginaire contestataire et dans la révélation d'un horizon différent d'une autre société, et d'autre part, ce qu'évoquait Nicolas, à savoir la récupération qui menace toujours la rébellion. Anaïs Kien. On ne l'a pas encore entendu dans les extraits qu'on a diffusés pour le moment, mais il y a aussi une convocation, une référence qu'utilise Mouna très souvent, en tout cas en 67, je ne sais pas si c'était le cas encore en 99, mais c'est la référence christique. C'est-à-dire, je viens à vous avec cette pureté de parole que je dois au Christ, un modèle de parole prophétique. Et il se présente comme ça. Et là, effectivement, moi, quand j'ai écouté cette archive, je me suis dit, quelle est cette synthèse étrange à la veille de mai 68. On est en mai 1967, je crois. Et là, il y a un effet d'étonnement quand même très fort. Le Divine Mantigny. Oui, mais c'est d'ailleurs à rapprocher du discours que tenaient certains beatniks sur le Christ comme la pauvreté volontaire incarnée, la pureté, etc. Donc, bien sûr, il y a ce message un peu mystique, c'est évident. Et d'ailleurs, il y aura des frictions en 68 avec les étudiants mobilisés, les étudiants radicalisés et en grève. Avec Daniel Cohn-Bendit. Avec Daniel Cohn-Bendit en particulier, il y a eu une méfiance à l'égard de Mouna. Certains avaient même imaginé qu'il pouvait être un indique, ce qui est quand même très peu probable. Mais en tout cas, c'est vrai que dans une configuration où la politisation s'aiguise, et là, je rejoins vraiment ce que disait Nicolas, il y a un moment où les rôles peuvent s'inverser, où la parole de Mouna n'est plus tout à fait audible pour ceux qui veulent véritablement s'organiser de manière structurée contre le système qu'ils rejettent. Nicolas Feinstadt. Oui, pour revenir sur ce que disait Anaïs à l'instant, c'est évident que la figure christique, c'est quand même la figure disponible du rebelle. Évidemment, un Christ qui est toujours opposé à l'Église, hein, suivre nu le Christ nu. Hein, tous les mouvements radicaux au Moyen-Âge rappelaient évidemment qu'il fallait revenir à la pureté christique. Donc ça, c'est vraiment une figure iconique de la rébellion contre l'ordre établi, c'est de revenir à un Christ qui a été... Retour à une origine... Absolument. Qui a été dévoyé. Toujours. Donc c'est toujours jouer le Christ contre l'institution, sa pauvreté, sa pureté. Donc là, effectivement, c'est une figure quand même qui est extrêmement disponible pour tous les mouvements radicaux et réformateurs depuis très longtemps. Et puis ça pose une autre question, ce que disait Anaïs à l'instant, qui est très intéressant et qui rejoint nos discussions précédentes, c'est sur la parole prophétique, qui elle aussi est une parole évidemment très ancienne, qui annonce et qui parfois demande même d'agir en fonction de ce qu'elle annonce, et qui est une parole qui peut avoir des dimensions aussi très institutionnelles. Le prophète, par exemple, médiéval, s'adresse évidemment aux puissants, puisqu'il attend que les puissants puissent réaliser ses prophéties ou lutter contre ce qu'il annonce. Donc là aussi, c'est une parole qui peut avoir une dimension séditieuse, parce qu'elle peut dénoncer notamment des pouvoirs qui sont inconsistants, inconstants ou incompétents, et en même temps, qui est très institutionnel. Il y a même des prophètes à domicile chez un certain nombre de monarques du Moyen-Âge. Donc là aussi, c'est une parole intéressante en termes de parole publique, le prophète entre institution et critique et sédition. Alors, dans ce nouvel extrait que nous allons entendre de Mouna Aghighi, enregistré en 1967 par des provos néerlandais, il évoque une sorte d'internationalisation au moment d'un sinistre, très célèbre, puisqu'il a eu des conséquences considérables aussi en Italie sur le Movimento qui va naître bientôt, le sinistre des inondations de Florence. Nous, alors par exemple, les Amis de la Vie et Beatnik, pour nous donner un sens à notre existence, en nous dévouant pour la société, par exemple, nous allons rendre des services comme nous l'avons fait pour les catastrophes de Florence. Oui. Nous sommes allés là-bas dans la boue pendant 3 semaines à aider les malheureux sinistrés, pas pour nettoyer les monuments, parce que vous remarquez que les monuments, c'est très intéressant, mais la vie des gens passe avant. Alors, après, nous avons été donner du sang à l'Hôtel-Dieu, parce que des gens ont besoin du sang. Et le sang n'est pas en vente dans le commerce. Et les beatniks ne sont pas très engagés avec la politique? Pas beaucoup, non, très peu. C'est des battus, comment ils sont écrasés par le monde, ils ne savent pas. Petit à petit, ils se prennent au jeu quand même, petit à petit, ils commencent. Parce qu'au contact, à notre contact, en écoutant les discours de Jean Rostand, président du MCA, du mouvement contre l'arme atomique, en effectuant des marches, ils commencent à comprendre. Mais c'est une minorité. Alors des gens vous disent, les beatniks sont sales. Moi, je leur réponds, la bombe atomique, elle est propre. La bombache, je dis plus de tâches. Oui, oui, c'est vrai. Voilà donc pour cette parole de Mouna Aghighi. Alors, on entend des noms qui sont un peu oubliés, mais qu'une spécialiste des années 60 comme vous peut faire ressurgir. Ce nom de Jean Rostand, par exemple, Ludivine Montigny. Mais on aurait pu ajouter l'abbé Jean Toulat, on aurait pu ajouter Lanza del Vasto et d'autres qui, tout autour de ce personnage-là, avec aussi des références christiques, les unes avec les autres, les unes par rapport aux autres, eh bien, dénoncent la bombage, dénoncent l'armement nucléaire, dénonce la nucléarisation du monde. Oui, alors on est vraiment dans cette... Ce sont les prémices. Et ce qui est intéressant, c'est que ce sont des individus assez isolés. Hein. Il n'y a pas encore de structuration de ce mouvement politique. Et ça, c'est pas pour faire une histoire un peu linéaire. Les Amis de la Terre ne sont pas encore nés. Voilà, exactement. Et puis ensuite, les Verts non plus. Grands mouvements des années 70. Donc, de ce point de vue, c'est vrai qu'il y a une forme de prophétie, encore une fois, comme on l'a évoqué tout à l'heure, une façon de regarder très précisément le monde tel qu'il va. Et pour ça, se donner du temps. Parce que je crois qu'il est vraiment question aussi des temporalités dans ce type d'imaginaire contestataire, c'est-à-dire prendre le temps de s'arrêter pour redonner du temps au temps, finalement, pour le reconsidérer, pour lui donner une autre intensité. Et en même temps, donc, il y a vraiment la face obscure et la face lumineuse, c'est-à-dire l'un des slogans de Mouna, c'était « tous les désespoirs sont permis ». Et c'était, voilà, il fallait pouvoir les surmonter, ces désespoirs. Il faut peut-être dire aussi qu'il y a là un air du temps qu'on va retrouver ensuite dans des presses alternatives des années 70, que ces titres extrêmement provocateurs de ces années-là vont devenir les titres bien plus tard de la presse, la grande presse d'une certaine façon, jusqu'au Figaro qui fait des jeux de mots aujourd'hui. Donc on peut dire, ce sont des jeux de mots qui sont très courants dans les émissions voilà. humoristiques de l'époque voilà. finalement, et émissions de leurs parents. Voilà, et qu'il y a aussi une dimension de slogan publicitaire qui correspond aussi à la montée en masse de la publicité dans la société des années 60 et 70, parce que beaucoup de ces slogans de rue de Mouna Aghighi auraient pu être repris par des publicitaires cyniques des années 80, par exemple. Tout à fait. Et là, il faut quand même songer évidemment aux situationnistes, hein, même si les connexions entre Mouna et les situs ne sont pas extrêmement établies. Mais y a une volonté quand même par l'humour, par le décalage, par la réappropriation justement de la publicité et de la consommation, en renversant ces valeurs, de mieux les mettre au jour, justement, de mieux les révéler. Encore une fois, il y a vraiment un effet révélateur dans cette parole, encore une fois, assez poétique dans la mesure où elle est aussi un discours sur le monde et sur la lumière qu'on peut lui apporter. Alors, nouvel extrait de la parole de Mouna Aghighi, toujours en 1967. Là, il se fait plutôt sérieux autour de ce qui s'est passé après la Seconde Guerre mondiale et du manque de solidarité des populations après cette Seconde Guerre mondiale. Avant, je n'étais pas antiraciste, je n'étais pas Aghighi, je n'étais pas Dupont-André réveillé et dit Mouna, non. J'étais commerçant, donc je n'avais pas besoin de protester, j'avais ma situation assurée, j'avais rien. J'avais une petite affaire qui tournait gentiment. Mais je me souvenais des moments malheureux de ma vie où j'avais été presque pas clochard, mais vagabond au moment de la crise économique en 33-34. Et avoir faim dans sa vie, ça sert à ça. C'est très intéressant, c'est très impolitique. Après, on dit, tiens, il y en a d'autres qui ont faim et c'est pas tout à fait normal. Surtout quand on avait envie de travailler comme j'avais envie de travailler. Et ce qui m'a scandalisé, c'est que les pauvres, alors que je ne m'occupais pas tellement du problème israélite, du problème juif, je me disais, on ne savait pas l'existence de ces camps de concentration, nous l'avons connu à la libération, on a connu ces atroces camps nazis, camps d'extermination, mais ce n'est pas possible, on dit ça a existé, ça me bouleversait. Et lorsque j'allais au hall, j'entendais des gens qui avaient formé un club des locataires de bonne foi. Écoutez bien, locataires de bonne foi. Ils voulaient empêcher les quelques Israélites qui étaient revenus de reprendre leur appartement. Parce qu'eux avaient pris l'appartement, ils l'avaient volé. Alors moi, là, j'ai commencé à crier à des marchandes de quatre saisons. J'ai dit, mais c'est scandaleux. Alors j'ai commencé à mettre... J'ai suivi des cours d'université nouvelle, j'ai étudié un peu la philosophie, j'ai lu beaucoup, alors qu'avant je ne lisais presque pas. J'ai pris le temps de lire, j'ai délaissé mon commerce, j'ai suivi des cours, et j'ai été dans des conférences. Et maintenant, après j'ai trouvé quelque chose. C'est une synthèse des humanistes. Sans le vouloir, j'ai rejoint le dadaïsme sans avoir lu Dada, parce qu'on ne peut pas tout lire. J'ai lu l'éloge de la folie d'Erasme, j'ai lu les philosophes, Spinoza pour moi c'était une révélation. Spinoza qui dit par exemple, le passage vers une plus grande perfection, c'est le rire, c'est la joie. Oui, c'est vrai. L'homme qui ne rit pas, ben, c'est un sauvage. Hitler ne riait jamais. Alors là, on voit véritablement le processus de transformation d'un personnage après la Seconde Guerre mondiale. Avec cette parole, il faudrait travailler quand même sur les accents, les tons, la façon dont on parle dans le Paris de l'époque. J'avais une petite affaire qui tournait gentiment, par exemple. Ça, voilà, une phrase que plus personne prononcerait peut-être aujourd'hui dans le Paris des années 2010. Nicolas Offenstadt. Oui, en fait, j'avais deux réactions par rapport à nos discussions. D'abord, il y a quand même une question qu'il faut se poser face à de tels personnages, c'est la question de la réception en place publique, parce que justement, ces paroles qui, quand même, on l'a bien vu, on a essayé d'en démonter les différents registres, à la fois parfois très politiques, très critiques, parfois plus humoristiques. Ludivine parlait aussi d'une parole poétique. Finalement, il faut quand même se poser la question de la réception, parce que la place publique, pour qu'elle ait un sens, il faut que ça devienne un lieu actif. C'est-à-dire qu'il ne faut pas simplement qu'il y ait l'émission d'une parole et qu'ensuite, nous, historiens, on la qualifie, on l'identifie, on l'étudie. Mais il faut se poser la question de finalement, quelle est la réception de Mouna ? Quel a été l'effet politique de Mouna ? Alors ça, c'est évidemment Ludivine qui est compétente pour répondre. Mais moi, je m'interroge quand même toujours, quand je travaille sur la place publique médiévale, finalement, sur quels sont les gens qui sont en face du prédicateur, du crieur ou de la révolte, comment ils y réagissent. Parce que sinon, on fait le travail d'historien à moitié. Parce que c'est toujours facile d'étudier l'émission d'un discours. La question, c'est finalement, quelle a été la réception de Mouna ? Quels a été ses effets politiques, hein, on a essayé d'en cerner. Donc ça, c'était peut-être plus une question pour la spécialiste des années 60 et post. Et puis, j'avais aussi une petite remarque sur ce discours que j'avais déjà entendu de Mouna. C'est aussi des formulations qui sont très datées et qui sont aujourd'hui très limites, hein, et sans doute qui montrent une socialisation qui n'était effectivement pas dans des milieux extrêmement critiques. Il parle du problème israélite et du problème juif, qui, à mon avis, quand même une formulation, hein, qui ne vient pas du bord politique qui sera le sien par la suite et qui montre des socialisations quand même. Qui montre une datation particulière. Absolument. De à la fois une datation sociale et une formation qui est assez frappante, évidemment. Et donc, on imagine donc à travers ces mots-là simplement un processus effectivement très net, hein, de distanciation par rapport à une absence critique, puisque c'est effectivement une formulation qu'on n'aura plus ni par la suite ni dans les milieux critiques. Oui. Anaïs. Je vais laisser Ludivine Brantini répondre à votre question, évidemment. Mais j'avais quand même, moi, une. Lorsqu'on regarde le parcours de Mouna Agui, il nous racontait tout à l'heure qu'il était arrêté systématiquement, menacé d'être interné dans un hôpital psychiatrique, donc malmené par les forces de l'ordre. Et puis on a bien vu, hein, on se souvient dans les années 90, il est devenu une figure pittoresque de Paris. Et donc on a finalement complètement désamorcé ce personnage-là. Donc là, se pose la question de savoir, une fois qu'on arrive à faire exister une parole dans cet espace public, une parole à l'origine subversive, comment arriver à la désamorcer, comment les autorités arrivent à la désamorcer et finalement à neutraliser complètement un programme qui s'énonçait au moment où cet acteur-là prend possession de l'espace public. C'est une question que je voudrais poser à Nicolas Offenstadt dans un premier temps. Oui, ça c'est tout à fait juste. Hein. Je pense que ça, c'est un des enjeux fondamentaux, et encore aujourd'hui, de la parole critique, hein, puisqu'il y a effectivement des institutions qui sont extrêmement puissantes, hein, et qui sont capables de la... Donc ça, c'est à mon avis une question qui se pose. Hein. Et c'est pareil, évidemment, pour les prophètes. Hein. C'est-à-dire que même pour les prophètes médiévaux, un moyen de les canaliser, c'est finalement de les rendre curieux, de les intégrer dans la cour. Donc ça, je crois que c'est le processus d'intégration de la critique, voir, et ce qui est encore plus intéressant, il y a le processus d'intégration de la critique, mais voir le processus d'institutionnalisation de la critique. Hein. Effectivement, et à la fin de sa vie, on l'a connu, hein, Mouna, c'est effectivement une figure qui avait peu de caractère séditieux. Hein, c'était une institution parisienne, hein, comme on a tout un ensemble de figures de petites... Mais on peut dire aussi que c'est parce que la société l'avait rejoint et qu'au bout du compte, il étant resté sur des critiques qui étaient celles des années 60, une partie peut-être de la société parisienne, de la société parisienne des années 80 avait été convaincue et au bout du compte... Il n'y avait plus beaucoup de choses à critiquer dans cette évolution sociale. Bah dans les années 90, en termes d'écologie ou de pacifisme, il y a encore quand même, sans doute, qui est décalée. Oui, mais il y avait des forces politiques qui l'avaient prise en charge, cette question-là, de l'attaque contre du rattrapage, oui, c'est peut-être ça. Un élément d'institutionnalisation aussi, tout à fait. Ludivine Pantini, sur ce point. Oui, non, il ne s'agit pas de faire de Mouna le révolutionnaire de la seconde moitié du XXe siècle, hein, certainement pas. Il est resté dans les marges, très, très clairement. Il est resté extrêmement minoritaire et même... dénigrés, y compris par les contestataires organisés, ceux qui se réclamaient véritablement d'une perspective révolutionnaire. Par rapport à ce que vous disiez, Anaïs, les étudiants, certains étudiants en 1968 criaient justement à l'encontre de Mouna, Mouna folklore. Ouais. Ce à quoi il rétorquait, tu préfères le chlore au sens des gaz lacrymogènes et des pollutions, mais aussi de l'intervention des forces de l'ordre. Et puis, il faut voir aussi dans quel quartier il déambulait, hein, parce que par rapport à ce que vous disiez, Emmanuel, sur le fait qu'au fond, la société l'avait rejoint, je ne pense pas. Mais dans la mesure où, par exemple, sa critique des masses médias, hein, ce qu'il disait sur les masses médias rendent les masses médiocres, ça, c'est quand même pas quelque chose qui est à ce point répandu dans les années 60, ni même a fortiori dans les années 90. Mais les quartiers dans lesquels il évoluait et déambulait, c'était des quartiers qui restaient d'ailleurs à l'époque encore les années 60 populaires, comme le quartier Mouffetard. Pas du tout populaire Saint-Germain-des-Prés, mais donc là, c'est vrai qu'il y avait, voilà, et donc il y avait de fait des convictions assez partagées. Je voulais juste dire un tout petit mot sur l'allusion à Spinoza. C'est très intéressant. Bon, c'est vraiment un autodidacte, Mouna. Et l'allusion à Spinoza, ça nous intéresse comme historien, je crois, sur sa bibliothèque. Sa bibliothèque. Et puis toute la question des affects. Voilà, c'est une historiographie qui revient aujourd'hui, je pense, aux travaux en sciences sociales de Frédéric Lordon, sur Spinoza et les sciences sociales. Comment on peut aussi refaire une histoire des affects, faire une histoire des régimes de désir dans le système capitaliste, comme essaye de le faire Mouna avec justement ce caractère très autodidacte, et puis un régime de désir alternatif qu'il s'agirait de prôner et de mettre en œuvre au quotidien dans son cas. On écoute encore deux extraits de Mouna Aghighi, deux extraits de cet entretien de 1967, à la fois comment il se fait arrêter dans Paris, mais aussi une critique des happenings tels qu'ils sont conçus par d'autres que par lui dans les années 60. C'est un peu ahurissant, quoi, que nous promenant sur le trottoir de cette rue de Richelieu, sans gêner la circulation, nous nous fassions embarquer par la police et garder 5 heures sans aucune raison, pas de slogan hostile, pas un cri séditieux, pas une affichette, pas un tract. Pourquoi ? Parce que notre habillement de quelques-uns, pas tous même, parce que vous avez vu qu'il y avait quand même des gars qui avaient costume et cravate et tout, les jeunes filles très bien habillées, je ne sais pas. Ah non, maintenant, il faut être un gangster, mais bien habillé. Alors là, vous faites des hold-up, hein, comme si c'était un délit de ne pas avoir d'argent. À Paris, en France, il y a des personnes qui organisent des happenings, mais alors je ne suis pas d'accord avec eux, car ce sont des commerçants. Alors ils font ça dans des salles, ils s'adressent à des snobs, et ils font venir des gens qui payent pas mal d'argent. Donc, Jean-Jacques Lebel. Exactement. Alors je suis contre ce genre d'happening, parce que c'est des commerçants, c'est des profiteurs. Alors, moi, le happening, comme je le considère, si ce mot happening... Moi, je l'appelle Moon Happening. C'est vraiment spontané. On fait ce qu'on a envie de faire. Pour ridiculiser ce monde moderne, une fois, dans Paris, nous avons distribué de l'eau non polluée, de l'eau dans des sachets, parce que nous avions lu dans les journaux que l'eau de Paris, selon l'avis autorisé de deux docteurs en médecine, était polluée. Les gens, pendant quelques heures, avaient bu de l'eau des égouts. C'est incroyable. Et tout ça, attention, c'est parce qu'on ne veut pas engager de l'argent pour amener des tuyaux, ça coûtera un peu d'argent, mais on dépense de l'argent pour fabriquer des bombes qui préparent l'apocalypse nucléaire, les gens trouvent ça normal. Ça aussi, la question de l'apocalypse nucléaire, c'est une question tout à fait typique de ces années 60 et 70. Mais cette critique, justement, des snobs, en l'occurrence, Ludivine Montigny, de Jean-Jacques Lebel, on entend le nom qui est prononcé à ce moment-là, de cette idée qu'on puisse faire payer des happenings dans des théâtres ou dans des salles fermées. Tout cela, c'est évidemment à l'antithèse de ce que voulait faire Mouna Aghighi. Oui, même si dans le cas de Jean-Jacques Lebel, évidemment, la critique est très excessive, parce que Lebel est justement un artiste qui va être très important en termes de politisation pendant la guerre d'Algérie. Bien évidemment, il y a eu vraiment une diffusion européenne et même internationale. Je pense au grand tableau antifasciste collectif qu'il met en œuvre dans les années de la guerre d'Algérie. Enfin, donc, évidemment, Mouna n'évolue pas dans les mêmes milieux, c'est évident. dissident n'a pas la même origine sociale. Il reste en marge des milieux artistiques et politiques, d'où cette critique qui, encore une fois, dans ce cas, est très injuste et injustifiée, en tout cas. Nicolas Funstadt. Oui, mais en écoutant ce passage, la question qui me venait, c'était finalement ce que pose Mouna derrière cela et une partie de notre discussion, c'est finalement comment un espace urbain se transforme en espace politique. Hein, parce qu'il y a tout cet aspect de géographie spatiale. Parce qu'on a parlé de Paris en général, mais tous les espaces de Paris ne se valent pas. On l'a dit à la fois sociologiquement et politiquement. Oui, la porte Lusseau de Laon ne vaut pas un autre endroit de Laon. C'est absolument. Là où le crieur du Moyen-Âge, Jean de Gascogne, va proférer cette parole publique. Absolument. Et évidemment, Mouna, il intervient à Beaubourg, quand Beaubourg est créé, ou dans le quartier latin auparavant. Et d'ailleurs, il y a une géographie évidemment politique de Paris. Il y a des endroits où on peut faire un certain nombre de choses, ce qui n'est pas permis dans d'autres parce que ce sont les lieux du pouvoir. Les lieux étudiants ne sont pas les lieux du pouvoir et la police n'intervient pas de la même manière. Et donc, du coup, ce qui pose avec sa question du happening, finalement, c'est comment on définit un espace urbain politique et ensuite jusqu'où ? Hein, parce qu'évidemment, il faut que cette politique, elle devienne pas institutionnalisée, qu'elle soit limitée au trottoir. Il le dit lui-même. Et ça, je trouve que cette réflexion sur l'espace urbain comme espace politique, c'est aussi un des éléments qui est évidemment très intéressant. C'est ça, cet aspect aussi un peu séditieux. Parce que au-delà des propos, parce qu'on le voit bien dans les propos, il joue de l'humour. Et l'humour, ça peut aussi parfois atténuer un peu la sédition. Donc il faut y faire attention. C'est pas toujours, ça peut être séditieux, évidemment, on le sait, mais c'est aussi parfois une manière d'affaiblir. D'édulcorer. Donc par contre, là où je trouve qu'il est évidemment. Il fait penser, hein, c'est justement cette occupation de l'espace. Hein, dans quelle mesure il y a une occupation de l'espace ? Et c'est évidemment un enjeu des mouvements étudiants aussi. Hein, Ludivine le sait mieux que moi. Mais ça, je pense que c'est une vraie question qu'il a posée. Et c'est un vrai enjeu politique. Hein, finalement, comment vous transformez un espace urbain en espace critique ? Anaïs Kien. Et est-ce que ça n'est pas aussi pour paraître moins effrayant, pour représenter non plus une menace, mais une véritable parole, qu'on se nomme comme faisant un happening ? Je ne suis pas en train de manifester, je ne suis pas en train de crier, je fais quelque chose qui est répertorié et je nomme ça comme un happening. C'est-à-dire que je ne suis pas en train de me rebeller dans la rue, je fais un happening. Ce qui est beaucoup plus sage, beaucoup plus rassurant, beaucoup plus finalement bourgeois que de dire je manifeste ou je viens vous jeter les oripeaux de votre système et vous jeter mes poubelles aux pieds ou c'est-à-dire voilà je m'emmêle un petit peu les pinceaux. en tout cas voilà de se nommer par un mot en plus un anglicisme etc. Est-ce que ça ne lisse pas aussi d'une certaine façon l'action d'un Mouna Guigui ou d'un Jean Lebel d'ailleurs? Je crois que le projet est à l'inverse de ce que vous décrivez. Après, ça, il n'empêche que ça l'effet, peut aboutir à cet effet. Mais en tout cas, le projet du happening, c'est justement de casser l'ordre de ce qui est déjà lissé malgré tout, malgré la subversion, par exemple, que pouvaient avoir les manifestations dans l'espace public du 19e siècle, voire du début du 20e siècle. Et lorsque les manifestations sont justement trop ordonnées elles-mêmes et reviennent sur un ordonnancement où l'ordre n'est finalement pas entamé, c'est là que le happening, en tant qu'il... Là aussi, il met en abîme l'ordre dans la mesure où il vient l'occuper et le subvertir, le dynamiter. Donc je pense que le projet, en tout cas, du happening est vraiment à l'inverse de toute idée de lissage ou de dépolitisation, même si on parlait de récupération de la rébellion, elle est toujours possible, elle est toujours menaçante. Nicolas, oui, juste pour aller tout à fait dans le sens de Ludivine, je pense, y compris quand on pense évidemment aux artistes critique ou à l'activisme viennois, bien sûr qu'il y avait des mots qui étaient donnés, installation, intervention, mais en réalité, c'était troublant quand même pour les bourgeois autrichiens. Donc, même si les choses sont institutionnalisées, quand elles arrivent, elles troublent l'espace public. Hein. Et d'ailleurs, on voit encore aujourd'hui, quand il y a des œuvres d'art qui sont déplacées de manière hyper institutionnelles, elles ont encore une capacité critique parce qu'elles déplacent l'espace, elles construisent l'espace autrement, et on voit qu'elles ont évidemment une capacité quand même à générer le scandale, donc à générer une forme de distance, de tension. Donc évidemment, il y a une dimension toujours possible de récupération, d'argent, de marché de l'art. C'est vrai que l'installation de Richard Serra dans le parc des Tuileries, par exemple, dans le centre de Paris, d'une grande œuvre de Richard Serra, qui était a priori, qui n'était pas une œuvre révolutionnaire, a fini par créer un scandale. Par exemple, les colonnes de Buren un peu plus tôt. Voilà, et donc du coup, cet espace, même si donc c'est toujours intéressant parce qu'il y a une tension hein, dans ce que les artistes, moi je pense beaucoup aux Viennois dans la tradition de Beuys, hein, appelé l'intervention, il y a toujours une possibilité limite. C'est-à-dire, qu'est-ce qui va se passer ? Les gens ne savent pas forcément ce que les artistes vont faire. Eux-mêmes, parfois, ne le savent pas toujours. Et donc, du coup, là aussi, on est dans un endroit ambigu. Hein, oui, ça peut a posteriori, dire c'est une manifestation séditieuse et dire c'est un happening ne fait pas du tout le même effet une fois qu'on décrit l'événement. Ludivine Montigny. Oui, mais enfin, de toute façon, c'est une question qui se pose aux artistes. D'ailleurs, on le voit de manière très contemporaine. Moi, dimanche, je suis allée voir une compagnie formidable de jazz. Hein, et c'est des gens qui se posent la question qui s'appelle la Compagnie du Coin, qui est une bande de musiciens de Tours. Et la question qui se pose, c'est est-ce qu'on se dit l'opéra est à 5 euros, les places d'opéra sont à 5 euros, et donc on fait venir un public populaire, ou est-ce qu'on va vers les gens ? Donc, ils décident d'aller dans les villages et d'occuper cet espace, de décaler. Ils sont capables aussi bien de jouer du free jazz qu'une fanfare qui vont complètement décaler par l'humour. Et c'est vraiment du coup une question qui se repose sans cesse aux artistes. Et il y a une politique, du coup, une réflexion politique sur l'espace, aller vers les gens et décaler ce à quoi ils s'attendent. C'est tout à fait passionnant et c'est une question vraiment très, très actuelle. Alors, nous sommes dans la Fabrique de l'Histoire, donc dans une série consacrée aux rebelles. Cette série consacrée aux rebelles, Anaïs Kien, nous l'avons voulu parce que c'était le thème des rendez-vous de l'Histoire. On sera tous au rendez-vous de l'Histoire ce week-end. Donc, dès demain, nous allons arriver à Blois, en l'occurrence. Et donc, pendant 3 jours ou 4 jours, nous allons participer les uns et les autres à des tables rondes, des discussions, des débats. On ne peut pas laisser sous silence le fait, Ludivine Montigny, que vous avez démissionné avec fracas des rendez-vous de l'Histoire, enfin du moins du comité scientifique des rendez-vous de l'Histoire pendant cet été. Une histoire peut-être compliquée à raconter immédiatement maintenant, autour de la présence de Marcel Gauchet comme tenant de la conférence, de la leçon inaugurale de ces rendez-vous de l'Histoire qui se donnera donc cette leçon inaugurale vendredi. D'ici là, depuis cette période, depuis cet été, il y a eu beaucoup de discussions, beaucoup de débats, beaucoup de tribunes dans la presse et peu de confrontations entre les uns et les autres. Est-ce que le lieu de Blois va être un lieu de discussion, de débat, de l'espace public, justement, des rebelles contre d'autres à l'intérieur de ces rendez-vous de l'Histoire ? Alors certainement pas, c'est pas du tout un concours S-Rébellion, ça il faut bien le souligner, c'est pas à qui sera le plus rebelle de tous, certainement pas. C'est très difficile en effet de résumer en quelques minutes à peine les différents enjeux, mais il y a différents registres qui sont présents. Il y a la manière dont on prend des décisions, comme dans le sein du Conseil scientifique des rendez-vous de l'Histoire, puisque pour ma part, même membre du Conseil scientifique, je n'ai appris la venue comme conférencier inaugural de Marcel Gauchet que par la presse, donc c'est sur la forme quelque chose qui était inacceptable. Et sur le fond, il y a toute une pensée à interroger. La pensée non pas de l'homme Marcel Gauchet, mais d'un système global qui, dans le cadre d'une édition sur les rebelles, est particulièrement provocatrice. Inviter Marcel Gauchet pour faire la conférence inaugurale... Mais provocateur quand on fait les rebelles, alors, pourquoi c'est... Oui, non, mais pourquoi c'est provocateur ? Parce que précisément, là où les rebelles mettent en cause un ordre qu'ils jugent, un ordre social et politique qu'ils jugent inacceptable, la pensée de Marcel Gauchet, mais il faudrait pouvoir en débattre des heures, et avec lui d'ailleurs, avec plaisir et intérêt. C'est justement le contraire, c'est-à-dire l'assignation à l'ordre tel qu'il va, et avec une pensée qui non seulement est censée décrire cet ordre, mais même nourrit cet ordre, alors même que l'intellectuel, que Marcel Gauchet est évidemment, devrait pouvoir l'interroger au lieu d'alimenter l'idée du ça va de soi, donc des évidences qu'il s'agirait au contraire de briser selon nous. En outre, la situation politique fait que les historiennes et les historiens ne peuvent plus considérer que leur travail se mène indépendamment de tout contexte. Et le contexte politique, on l'a encore vu dimanche avec la manif pour tous, cette nouvelle manif pour tous, est quand même critique, assez critique. Et il faut pouvoir en parler aussi en sciences sociales et comme historienne et historien. Alors, Marcel Gauchet n'est pas là pour se défendre face à vous donc, et face à ses attaques. En l'occurrence, Ludivine Montigny, il se défendra, j'imagine, dans sa leçon inaugurale des rendez-vous de l'Histoire. Il y aura des manifestations diverses et variées pendant ces rendez-vous de l'Histoire autour de cette question même, en l'occurrence, et en particulier de ceux qui ont signé une pétition contre la présence de Marcel Gauchet, comme vous, Ludivine Montigny. Pas comme... contre la présence de non, Marcel Gauchet, contre la vraiment, présence, que dans la leçon inaugurale. Marcel Gauchet vienne à Blois, ouais. Évidemment. Ouais, c'est... Et vous serez en train d'en discuter avec lui, Nicolas Fellstadt à Blois, parce que vous n'avez pas peur de cette confrontation, justement. Non, non, pas du tout. J'ai pas peur de discuter avec Marcel Gauchet. Je partage totalement l'analyse de Ludivine Montigny. Ce qui me paraît un peu choquant malgré tout, c'est que si vous voulez, c'est évidemment un tenant de l'ordre conservateur et libéral évident, qui lui-même s'est prononcé contre de nombreux rebelles. Ce qui, il refuse. Les textes sont parlants. Hein. Il défend le système libéral, il est proche d'un certain nombre de grands dirigeants de ce monde. Donc on ne peut pas non plus dire qu'on est contre l'ordre et en même temps l'alimenter en permanence par son comportement. Ensuite, on peut évidemment discuter du fond de sa pensée. Mais on peut considérer que moi, je ne suis pas du tout étonné que les gens soient choqués qu'un tenant de l'ordre conservateur et libéral, finalement, soit celui qui incarne une parole qui est plutôt une parole parole fragile, une parole en tension qui est celle de la rébellion. Il y a quand même une contradiction. Parce que dans rébellion, il n'y a pas forcément révolution en l'occurrence. C'est ça non, que vous dire. Non, et puis surtout, je crois que malgré tout, ce qui est fondamental dans la rébellion, on peut en donner toutes les définitions, c'est qu'il faut quand même qu'il y ait une inquiétude face au monde. Une distance face au monde. Et je trouve qu'effectivement, la pensée de Marcel Gauchet, pour ce que j'en connais, est le contraire de cela. Et donc, du coup, je comprends que cette contradiction puisse agacer un certain nombre d'historiens ou d'intellectuels, hein, parce qu'effectivement, sur la rébellion, il y avait peut-être des figures plus inquiètes, hein, sur le monde tel qu'il va et sur sa transformation, qui auraient été pertinentes. Ah, l'histoire inquiète, effectivement, ça fait partie des choses que nous débattons régulièrement ici à la Fabrique de l'Histoire. Donc Marcel Gauchet vous a entendu, peut-être voudra-t-il vous répondre à l'un et à l'autre. En tout cas, il vous répondra absolument, à vous, puisque dans un débat avec lui, avec donc lui. Voilà, j'assume mes propos et je lui redirai. Et dites-le, c'est quand C'est vendredi en début d'après-midi, c'est un débat qui est organisé par le Monde des Livres. Merci à tous les deux, merci à vous Ludivine Montigny, merci à vous Nicolas Offenstein d'avoir participé à cette émission donc de cette série sur les rebelles. On se retrouve demain, Anaïs, autour d'une figure particulière, celle de l'historien rebelle. Comment l'historien est-il passé de celui qui tenait la chronique du roi, pourrait-on dire, avant de l'historien de cour à l'historien critique. Voilà, à l'historien critique, ça sera le thème de l'émission de demain. Comme d'habitude, cette émission était préparée par Marie-Vena Bolivier et Aurélie Marcet. Emmanuel Morsdinkan était à la technique et Anne Fleury à la réalisation. Si vous voulez l'écouter, la réécouter, cette émission, n'hésitez pas à aller donc sur le site de France Culture. Vous pouvez y réentendre la voix de Mouna Aghighi, le sujet du jour, mais également le documentaire d'hier, donc signé Anaïs Quien et Anne Fleury, autour des provos néerlandais. Sur ce site, www.franceculture.fr, vous pouvez écouter l'émission pendant 1000 jours et la télécharger pendant un an après sa diffusion. Laissez vos commentaires sur nos pages, ainsi que sur le groupe Facebook des Amis de la Fabrique de l'Histoire.